Le Conseil des ministres décide de ne pas exporter de chars au Chili. C'est une victoire acquise par l'action des mouvements de jeunes. 1981, Pologne, les imprimeries et messageries de presse se mettent en grève pour que Solidarité puisse avoir accès à la radio et à la télévision. Avoir accès à la radio et à la télévision. Ça ne va pas de soi, avoir accès à la radio et à la télévision. Eh bien non, heureusement qu'il y a des radios libres, heureusement, heureusement. Le 20 août, c'est aujourd'hui, 1636, France. La réponse des croquants est remise aux autorités provinciales. Louis XIII se contente d'envoyer une lettre d'amnistie générale et de supprimer l'impôt du sou par livre, c'est-à-dire 5% sur toute transaction commerciale. C'était le début de la TVA, on dira. En acceptant cette mesure réclamée par les villes, le roi tente de diviser le mouvement. Tente de diviser le mouvement, voyez-vous ça? On n'aurait pas pensé ça de Louis XIII quand même, hein? Diviser le mouvement, tenter de diviser le mouvement. Louis XIII, oh non, quand même pas. 1830, France, parution d'une brochure rédigée par un vieux typographe. Il expose les justes alarmes de la classe ouvrière au sujet des mécaniques. Entre guillemets donc, les justes alarmes de la classe ouvrière au sujet des mécaniques. Que dirait-il maintenant à propos des robots, des ordinateurs, de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques qui vont arriver incessamment sous peu et qui vont chambouler de nouveau le marché mondial du travail? On a déjà beaucoup de chômeurs un peu partout dans le monde. Et bien là, ça va peut-être pas s'arranger, à moins qu'on change les règles du jeu, à moins qu'on devienne raisonnable. 1842, Grande-Bretagne, la grève générale chartiste se solde par un demi-échec. Le mouvement va éclater en différentes tendances. 1911, France, au marché de Ferrières, le prix du beurre a augmenté de 26 à 50%. Un comité de résistance des ménagères s'organise. Le marché est occupé, le mouvement populaire contre la vie chère commence. 1920, Italie, début de l'action des métallurgistes pour des revendications économiques. Des usines sont occupées, des soviets, c'est-à-dire des conseils d'ouvriers, s'organisent. L'obstructionnisme commence. Oui, soviet, on ne l'utilisait pas quand c'est un mot russe, mais on ne l'utilisait pas qu'en URSS. Hein, son usage avait tendance à se répandre un peu. Hein, bah oui, quand le sens de la phrase l'exigeait. 1925, Chine. Liao Chongqing, dirigeant nationaliste populaire et ami des communistes, est arrêté. 1940, Mexique. Un fanatique agent de Staline assassine Trotsky à Mexico d'un coup de piolet au crâne. Alors, c'était un Espagnol du nom de Ramón Mercader. 1944, France. L'hôtel de ville de Paris passe aux mains des insurgés. Les combats de rue continuent entre la résistance et la Wehrmacht. Le 20 août 1944, c'était pas fini la guerre, On a tendance à estimer que la guerre était terminée le 6 juin, le jour du débarquement. Et non, mais non, ça a duré encore jusqu'au mois de juin 1945. 1956, Algérie, le congrès de la Soumam, première réunion du FLN à l'échelle nationale depuis le déclenchement de la révolution, affirme la priorité du politique sur le militaire. Oh, oh oui, mais ça a changé. 1968, Tchécoslovaquie, à 23h30, les troupes du pacte de Varsovie, excepté la Roumanie, pénètrent dans le pays et mettent fin à l'espoir soulevé par ce que l'on appelait à l'époque le printemps de Prague. Je m'en souviens très bien, printemps de Prague entre guillemets bien sûr. 1972, Grèce, sous le régime des colonels, 6 anciens ministres de la justice lancent un appel pour la révision de tous les procès politiques. 1973, Grèce, proclamation d'une amnistie partielle, la loi martiale est levée. 1980, Corée du Sud, les co-accusés de Kim Dae-jung rejettent l'accusation de complot. La condamnation de Kim étant probable, les USA lancent une mise en garde. 1980, Pologne. Alors que la grève fait tache d'huile, une vingtaine de dissidents de comité de défense des ouvriers fondés en 1976 sont arrêtés. 62 intellectuels, dont certains sont membres du Parti communiste, lancent un appel en faveur de la liberté syndicale. Liberté syndicale. 1981, Bolivie, les mineurs de Catavi et Siglo Vente, dont le syndicat constitue le fer de lance de la lutte ouvrière, se remettent en grève à l'annonce de la mort sous la torture de leur dirigeant Julio Cosio Merluvio. 1981, Irlande du Nord, mort de Michael Devine, le 10e gréviste de la faim. Il avait 27 ans et était père de 2 enfants. Il se battait pour la modification du statut des détenus. Le 21 août 1539, France. Suite à une grève des compagnons imprimeurs pour les salaires, les horaires, la suppression du salaire à la tâche, le statut des apprentis, un décret de François Ier permet au sénéchal de prendre toutes les mesures nécessaires contre les grévistes. Prison, bannissement, torture ou même mort. Les compagnons réussissent cependant à faire retarder la parution de l'édit jusqu'en 1544, 5 ans donc. Entre-temps, ils continueront à prendre conscience de leurs forces. Nous étions en France en 1539, avec un roi de France qui n'était pas trop réactionnaire jusque-là. Hein ? Mais là, il a montré qu'il était vraiment... Bah oui, c'est un vrai roi, quoi. Ah oui, un vrai monarque. Comme je ne donnerai pas de nom. 1790, Allemagne, sur la route entre Berenstein et Pirna, en Saxe, on trouve un tract avec les revendications de 20 000 paysans révoltés. Mais le caractère régional de leur mouvement, ainsi que leur isolement par rapport aux villes, compromet le succès de leur action. 1914, Russie. Des députés bolcheviques refusent de voter les crédits militaires. Eh bien, ils sont déportés en Sibérie. Ah oui, s'opposer à la guerre, c'est insupportable pour les gouvernants. 1920, Italie, en réponse aux industriels qui disent que des directives d'amélioration de la vie ne peuvent être accueillies en ce moment, la FIOM, Fédération Italienne des Ouvriers de l'Industrie Métallurgique, décide la grève du zèle dans toute la métallurgie. Elle envisage l'occupation des usines en cas de lock-out. Cet obstructionnisme est une nouvelle forme de lutte qui réussit à mobiliser les masses. 1921, Pays-Bas, à La Haye, ouverture du congrès du droit des peuples. 1933, France, conférence de l'Internationale socialiste à Paris. Des divergences apparaissent sur la tactique à suivre vis-à-vis du fascisme. La gauche, Blum de France et Adler d'Autriche, préconisent l'union avec la Troisième Internationale. La droite, Grande-Bretagne, Scandinavie, Tchécoslovaquie, Pologne, demandent la rupture avec la Troisième Internationale. Et il est arrivé ce que tout le monde sait. L'arrivée du fascisme au pouvoir, du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. 1936, Espagne. Le ministre des Affaires étrangères italien, Ciano, se félicite de la politique de non-intervention de la France en Espagne. Le comte Ciano félicite de la politique de non-intervention de la France en Espagne alors que Mussolini et Hitler envoient respectivement 70 000 et 50 000 hommes pour aider Franco. Voilà. Alors, il arrive un moment où il faut savoir de quel côté on est. Il faut choisir son camp et le choisir bien, et choisir vite, frapper fort, là où il faut. 1953, Canada. Grève des 1600 mineurs des mines d'or de Noranda pour le salaire et la reconnaissance syndicale. 1953, France. FO, Force ouvrière, et la CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, freinent le mouvement de grève du secteur public contre les décrets Laniel. Les ministres MRP, Mouvement républicain populaire, essayent de faire pression sur les syndicalistes chrétiens et demandent au gouvernement quelques avantages pour justifier la fin de la grève. Le pouvoir joue la division syndicale. Le travail reprendra peu à peu. Ben oui, des traîtres. Des traîtres, encore des traîtres, toujours des traîtres. 1958, Cuba, début de l'offensive décisive des guérilleros. 1967, île Maurice, le principe de l'indépendance de l'île est accepté à la suite d'élections. Les Anglais vont quitter la Seine tout en garantissant leurs arrières. 1968, Tchécoslovaquie, les dirigeants du printemps de Prague sont arrêtés. Le Parti communiste international est en crise. Les partis communistes de France, d'Italie, d'Autriche, de l'Espagne et du Japon se désolidarisent de l'intervention en Tchécoslovaquie. 1980, Pologne. Tadeusz Pika est remplacé par une autre vice-ministre, Mieczysław Jagielski, qui accepte de rencontrer trois représentants du comité d'entreprise de Gdańsk. L'épiscopat assure les grévistes de sa compréhension, mais recommande sagesse et prudence. Oui, oui, épiscopat, oui, sagesse et prudence, bien sûr. 1981, Brésil, première conférence nationale de la classe ouvrière pour un syndicat autonome, indépendant et démocratique. Pour la première fois, près de 6000 travailleurs, délégués et élus se retrouvent pour discuter et trouver des solutions à leurs problèmes. Un des moments les plus importants du mouvement syndical brésilien des dernières années. 1982, Palestiniens, Liban. Le départ des 14 500 combattants palestiniens assiégés à Beyrouth par l'armée israélienne commence sous la protection d'un contingent français qui vient d'arriver. Le problème palestinien passe du plan militaire au plan diplomatique. Les Palestiniens auront-ils, comme Israël en 1948, leur terre ? N'oublions pas que la terre d'Israël, avant d'appartenir à Israël, elle appartenait aux Palestiniens, quand même. Hein, c'est historique, ça. Alors qu'après on négocie, qu'après on trouve une paix raisonnable, ça, c'est autre chose. Hein. 1983, Philippines, Benigno Aquino, principal opposant politique au président Marcos, est assassiné à sa descente d'avion au retour de son exil des USA. Ce meurtre aurait été commandité par des militaires à l'insu du président Marcos. 1984, Philippines, 500 000 personnes participent à différentes manifestations pour le premier anniversaire de l'assassinat de Benigno Aquino au cri de « Marcos est un assassin ». Marcos est un assassin, vous voyez un peu. Je vous propose maintenant une petite revue de presse faite essentiellement, bon, seulement cette fois-ci, à partir de, d'articles de Vosges Matin. Alors, Italie, funérailles nationales, gêne, adieu poignant aux victimes. Hier, l'Italie a rendu hommage aux victimes de l'effondrement du pont autoroutier lors de funérailles nationales boycottées par plus de moitié des 38 victimes confirmées, alors que 4 corps ont été découverts et à blessés et décédés. Oui, les gens ont averti, alerté à différentes reprises le gouvernement italien. Les élus locaux et moins locaux, etc., que ce pont-là présentait un certain nombre de défauts visibles, identifiables, même par quelqu'un qui n'est pas du tout un professionnel du bâtiment ou des travaux publics. Hein. Lorsque les armatures métalliques apparaissent comme des fantômes à travers le béton, que le béton éclate sous l'action de la dilatation de la rouille, etc., etc., même si on n'est pas du métier, on voit bien qu'il y a malfaçon d'une part, et danger d'autre part. Donc on pourra estimer un jour que les victimes ont été victimes des malfaçons des entreprises et puis du mauvais comportement des élus. Bon, en Italie, on prétend que 30% des entreprises, enfin des travaux de bâtiments et travaux publics sont faits par des entreprises qui sont tenues par la mafia, et en France, ce ne serait que 10%. Bon, c'est ce qu'on dit. Hein. Allez voir, allez savoir si c'est vrai, allez vérifier. Mais il y a des autorités qui ont les moyens quand même de vérifier, qui devraient vérifier si c'est vrai ou pas, et puis qui devraient nous le dire, et qui devraient prendre les mesures qui s'imposent pour que cela cesse. Parce que des malfaçons comme il y en a eu là, il y en a d'état, et on commence à découvrir qu'en France, ben, certains ponts, peut-être qu'il va falloir envisager de les réparer, si c'est possible, ou de les détruire et de les remplacer par des ouvrages neufs. Hein ? Oui, oui, oui. Hein ? Tout ça, c'est pas joli, joli. C'est pas joli, joli. Marre d'être des cobayes. Lorraine, santé, le Valsartan. Un médicament pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque a été retiré de la vente. Parmi les patients qui l'ont utilisé, certains sont inquiets et agacés. La piblangeoise Valérie Févé explique pourquoi. Il est temps que les pouvoirs publics s'emparent de la question parce que ce ne doit probablement pas être la première fois que ce genre de choses arrive. Oh, mais non! Il y a eu de nombreuses choses, de nombreuses affaires de ce genre-là qui se sont produites. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, peut-on encore faire confiance aux laboratoires pharmaceutiques ? Eh oui, on est bien obligé, hein, quand même. Eh oui. Et puis, mais voilà. Il y a un mais, avec un M majuscule. Il va falloir s'assurer de l'honnêteté de ces gens-là. Une rentrée tendue sur les dossiers sociaux. Plan pauvreté, mesures pour les PME, réforme du système de santé et des retraites, nouvelles taxes écologiques, notamment plusieurs dossiers économiques et sociaux à risque, attendent le président et ses ministres. Alors, il y a même des journalistes qui étaient assez franchement favorables à Emmanuel Macron il y a encore quelques mois, quelques semaines. Ils commencent à douter de la sincérité, de l'honnêteté, de la compétence du personnage en question. Hein ? Alors, qu'en pensez-vous ? Eh bien, voilà, il faudrait qu'on en discute. Hein. La Grèce sort de l'austérité. Le pays le plus malmené par la crise de 2008 sort ce lundi des contraintes imposées par l'accord européen et de 8 années de plan de rigueur. Le coût social est important et accroît la défiance envers le gouvernement en place. Autre chose, ailleurs, Asie, attaque meurtrière, Afghanistan, le retour des talibans. Ah tiens, on croyait que les talibans étaient liquidés. Eh ben non, finalement, ils risquent de réapparaître, ils commencent à réapparaître à certains endroits, dans certaines conditions. Ah oui, bah oui, c'est quelque chose qui est quasiment inusable, c'est comme la pile vendaire ça. Les talibans, comme les marchands d'aspirateurs, tu les chasses par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Sécheresse des cours d'eau qui inquiète. Alors il faudra trouver quand même le moyen de les éliminer rapidement et définitivement. Sécheresse des cours d'eau qui inquiète. Le niveau des cours d'eau vosgien inquiète les associations environnementales. Oiseau Nature a carrément demandé au préfet que certaines espèces ne soient plus pêchées le temps que la situation s'améliore. Bah oui, ça semble logique quand même, hein. Mais bon, il en faut qu'ils le disent, sinon personne ne le dira. Une octogénaire tuée en chutant d'un tracteur. Alors, un dramatique accident s'est produit ce mardi en début de soirée vers 18h45, chemin des Creuses à Viménil, où une dame, écoutez bien, une dame de 86 ans, en présence de son mari, a perdu la vie en tombant du tracteur. Alors son mari a 86 ans également, et ils étaient en train de conduire un tracteur, à leur âge, ils étaient en train de travailler. Alors qu'ils travaillent un peu de temps en temps, quand ça leur fait plaisir, quand ils s'ennuient un peu, parce qu'ils ont fait ça toute leur vie, parce qu'ils aiment leur métier, etc. On peut le comprendre, mais s'ils travaillent parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas une retraite suffisante, parce que la société est incapable de leur donner une vie digne de ce nom, alors là, c'est franchement dégueulasse. Nous autres citoyens, contribuables, électeurs, on n'a pas lieu d'être fiers de cette situation-là. Alors, deux camions entrent en collision sur la RN59. Bon, là, il faudrait peut-être voir pourquoi tant d'accidents de camions, hein, et pourquoi si grave. Quel est l'avis que l'on fait aux chauffeurs de camions? Et voilà. Quelle cadence de travail? Comment est-ce qu'on les recrute? Comment est-ce qu'on les forme? Comment est-ce qu'on leur permet de se reposer? Hein, voilà. Pont de Gênes effondré, ceci n'est pas une fatalité. Ceci n'est pas une fatalité. Ben bien non. L'espoir s'amenuise de retrouver des fissures vivants. Ben oui, mais attends, dans les décombres du viaduc de l'autoroute qui s'est effondré mardi à Gênes, la justice, les experts et le gouvernement ont pointé du doigt la responsabilité de la société autoroutière. La société autoroutière, oui, qui n'a pas surveillé suffisamment les travaux, l'état du pont, qui n'a pas fait appel aux entreprises compétentes pour améliorer les choses, si ça pouvait être amélioré, si ça pouvait être réparé. Mais l'entreprise qui a fait les travaux est hautement responsable, qu'on ne parle pas de garantie décennale, il faut arrêter de jouer avec ces choses-là. Et puis, voilà. Et puis les collusions entre certains élus, certains entrepreneurs, etc. Ça fait longtemps que ça dure un peu partout dans le monde. Et on fait comme si on ne le voyait pas. Voilà. Eh oui. Et puis alors on pleure quand il y a des morts. Bah oui, et puis on tourne la page, après on oublie, jusqu'à la prochaine fois. Hein, bien entendu. Un fuyard tué par un policier en plein Paris. Oui, un jeune policier qui a fait un petit peu de rodéo en poursuivant quelqu'un qui était responsable de je ne sais pas quoi, un fuyard, hein, voilà, un fuyard. Et bon, peut-être que c'était pas nécessaire de faire cette course-poursuite qui était dangereuse en soi. Et puis, est-ce qu'il était nécessaire de tirer son pistolet de l'armée et de tirer sur le fuyard? Ça, c'est pas sûr. Il a été inculpé, enfin incarcéré. Que va-t-il advenir de lui? On ne sait pas. Quel est son avenir dans la police ou ailleurs? On ne sait pas. Marine Le Pen, persona non grata au Portugal. Son invitation au Web Summit a déplu au Portugal. Autre chose. États-Unis, Église, pédophilie, scandale en Pennsylvanie. Une enquête rendue publique mardi révèle les abus sexuels sur plus de 1000 enfants dans l'État de Pennsylvanie. Près de 300 prêtres auraient été protégés par l'Église et la police américaine. Oui, ben voilà quoi, les électeurs américains, ils peuvent être fiers d'eux parce qu'ils ont mis au pouvoir successivement pendant des décennies et des décennies des gens qui n'étaient peut-être pas dignes de gouverner. Eh oui, c'est d'abord un problème d'honnêteté, gouverner. Hein, compétence et honnêteté. À Lourdes, moment de paix pour le 15 août. La Turquie répond aux USA. Le ton monte encore d'un cran dans la guerre commerciale à laquelle se livrent la Turquie et les États-Unis. En attendant que ça soit une guerre non commerciale. Attaque à la voiture Bélier à Londres, l'étrange profil du suspect. Oui, on s'est un cinglé. Religieux. Gênes, l'alerte et l'urgence. Alors il faudrait qu'une catastrophe comme celle de Gênes serve d'exemple et que plus jamais on ne voit ça. que plus jamais on ne voit ça, qu'on prenne toutes les mesures préventives pour que ça n'arrive plus. Hein ? Ah oui, mais alors là, il y a des entreprises, il y a des chefs d'entreprise qui ne feraient plus fortune. Hein. Ah, ben alors les radars de l'agglo ont plus flashé en juillet. C'était à Épinal. La forêt souffre de la canicule. Eh oui, le réchauffement climatique, c'est pas du baratin. Un été pour apprendre le français à Épinal. Pour pallier l'absence de cours d'alphabétisation dans les centres sociaux pendant l'été, des bénévoles de plusieurs associations se relient pour donner des cours de français à des demandeurs d'asile. Des bénévoles, encore et toujours des bénévoles. Alors, chaque fois qu'un bénévole apparaît quelque part, eh bien, c'est un emploi salarié qui disparaît. Provisoirement, peut-être, mais voilà. Il faudrait que les bénévoles, un jour, décident de faire la grève du bénévolat pendant, mettons, 3 mois. Et les gouvernants seraient bien obligés de prendre les mesures qui s'imposent et faire les choses normalement, proprement. Au Puy du Fou, les corbeaux jouent les éboueurs. Il y a un gars qui s'est amusé à dresser 2 corneilles, à ramasser les mégots, les saletés qui traînent par terre, et à les lui apporter dans une boîte. En échange de quoi ? Bon, ben, évidemment, il y a une récompense. Hein. Mais les corbeaux, ils ont l'air de s'amuser comme des fous en faisant ça. Bon, ben, c'est bien. Mais c'est pas la solution au problème de pollution. Parce qu'on parle toujours de la pollution visible, hein, le chewing-gum qui traîne, le mégot qui traîne par terre. Ça, c'est les pollutions visibles, mais pas forcément très dangereuses. Par contre, le glyphosate, les pluies acides, etc., ça, c'est... Hein. Pennsylvanie, le pape dit sans honte. 2 mots peuvent exprimer ce que l'on ressent face à ces crimes horribles, la honte et la douleur. Bah, il parlait de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les crimes sexuels aux États-Unis de la part d'ecclésiastiques. Le Kerala, face aux pires inondations depuis un siècle. Pont de Gênes, l'hommage et le scandale. Ouais. Oh, on en reparlera encore pendant quelques temps du pont de Gênes. Et puis progressivement, bah, notre attention sera attirée vers d'autres sujets. Et on nous parlera d'autres choses et on oubliera. Le peuple, il est là pour oublier, de manière à ce que, le moment venu, il n'oublie pas de bien voter. Hein ? Ben oui, on lui donne à choisir entre la peste et le choléra, et comme ça, ben, de toute façon, il est sûr de perdre. Hein ? À Bormes-Mimosa, Macron réapparaît en voisin. Bon, privé de défilé, Trump veut venir à Paris le 11 novembre. Oui. Privé de défilé. Ben oui, il aime bien les défilés militaires, Trump. Je ne sais pas s'il a fait un service militaire un jour, mais bon, voilà. J'ai attrapé mon gamin et je l'ai serré. Hein, oui. Alors, ce que nous vivons est complètement fou. Une pluie de roc sur les sapins barbus. Bon, je ne ferai pas d'autres commentaires, vous savez un peu ce que je pense de tout ça. En 1984, mes sœurs et moi étions des gosses. La commune prend la santé en main. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, et l'association Axiom animeront une réunion sur le programme Ma commune, ma santé. Il s'agit d'une solution de santé mutualisée, adaptée aux besoins. C'est à Vosges, la Vosges-les-Bains. Voilà, des habitants qui se prennent en charge et qui organisent eux-mêmes leur vie quotidienne maintenant et... leur avenir. Aretha Franklin, respect éternel. Voilà. Viaduc de Gênes, alors, autre titre, le deuil et la colère. Ne pas oublier la colère, parce que le deuil, c'est indispensable. La colère, c'est absolument nécessaire si on veut que les choses évoluent, si on veut que ce genre de catastrophe n'arrive plus. La France fait face à une pénurie de maîtres nageurs. Il y a un monsieur qui a décidé, ministre de je ne sais plus quoi exactement, puisqu'il ne sait plus lui-même. Il sait rien. Hein, c'est le ministre qui est le mieux informé de France. Et il ne sait pas les choses, Alors voilà. Donc il a retiré des CRS des plages, des maîtres nageurs, qui faisaient très bien leur travail, qui étaient là très utiles à l'ensemble de la population, qui étaient heureux d'être utiles. Et puis on les occupe à des tâches moins intéressantes pour eux et pour nous, sans doute. 9 ponts à réparer en urgence en Lorraine. En Lorraine, on a trouvé 9 ponts à réparer. Alors regardez les ponts, regardez le béton en général armé, puisque on fait travailler le béton à traction, Alors, vous regardez attentivement si vous voyez des fissures. Si vous voyez des fissures dans lesquelles apparaissent des morceaux de métal, eh bien, vous pouvez dire que le pont en question, hein, il file un mauvais coton. Alors, autre chose, pour volontaire, pour changer de vie. Le 1er régiment du service militaire volontaire, SMV, de Montigny-lès-Metz, accueille de jeunes volontaires rencontrant des difficultés à trouver un emploi. Rencontre avec le volontaire stagiaire Lucas. Voilà, il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Alors, les vraies opportunités, hein, parce qu'il y en a des vraies, puis il y en a des moins vraies. Le 3 mai 1936, le second tour des élections législatives en France consacre la victoire de l'Union de la gauche, le Front populaire. Le désistement mutuel et le bon report des voix ont permis aux socialistes, communistes et radicaux de transformer les résultats du premier tour en triomphe. La SFIO est majoritaire à l'Assemblée. Pour la première fois, un socialiste, Léon Blum, devient le chef du gouvernement. Depuis le début des années 30, la France est en crise. La remise en cause du régime parlementaire de la Troisième République culmine dans de violentes manifestations de l'extrême droite en février 1934. La menace fasciste conduit les socialistes et le Parti communiste à se rapprocher et à s'accorder sur l'unité d'action. Un an plus tard, l'alliance électorale élargie au Parti radical donne naissance au Front populaire. Dans une France polarisée à l'extrême, la gauche remporte les élections sur un programme modéré. La victoire électorale est suivie d'une vague de grèves et occupations d'usines dans une atmosphère de liesse populaire. Face à la généralisation du mouvement, le patronat signe sous l'égide du nouveau cabinet Blum les accords de Matignon, garantissant les conventions collectives, le droit syndical et une augmentation généralisée des salaires. De son côté, le gouvernement instaure les réformes spectaculaires de la semaine de 40 heures et des congés payés. Mais l'enthousiasme est de courte durée, les difficultés économiques et financières s'aggravent. Les violentes campagnes antisémites et anticommunistes de l'extrême droite augmentent la tension, tandis que la politique de non-intervention dans la guerre d'Espagne déchire l'union de la gauche. En juin 1937, Léon Blum est contraint à démissionner. C'était déjà presque la fin du Front populaire. Le patronat et la CGT négocient à l'hôtel Matignon des accords qui seront signés le 7 juin. Mais le 11 juin, ils sont encore plus d'1,5 million à faire grève quand le jour même au Parlement, Léon Blum fait voter la loi sur les conventions collectives et les congés payés, puis la semaine de 40 heures. Petit à petit, les grévistes vont reprendre le travail et partir en vacances. Si le 2 en arithmétique est le chiffre le plus charmant. Deux semaines de congés payés. Des centaines de milliers de travailleurs vont profiter des billets de train à tarif réduit mis en place par le sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, Léo Lagrange. Tandem, tu fais du tandem, c'est toi qui m'entraînes, c'est moi qui t'emmène. Et lorsque tu donnes un bon coup de pédale, je pédale. Même si la semaine de 40 heures attendra 30 années avant d'être réellement appliquée, en l'espace de 2 mois, le Front populaire a rempli l'essentiel de ses engagements sociaux. Les réformes révolutionnent le quotidien. C'est l'embellie. On s'aime en faisant du tandem. Je t'aime en faisant du tandem. Souvent, les ouvriers partent en vacances pour la première fois de leur vie, découvrent la montagne ou la mer. La naissance d'une nouvelle culture populaire au-devant de la vie. Au-delà même des lois sociales, un autre bouleversement intervient. Le gouvernement, en parlant au nom des ouvriers, leur rend une dignité. Pour un temps, l'État est avec le peuple. Léon Blum écrit. Il est revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie. La France a une autre mine et un autre air. Le sang coule plus vite dans un corps rajeuni. Tout fait sentir qu'en France, la condition humaine s'est relevée. Vous êtes prêts ? Oui. Le temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre et je suis à vous. Bonjour, faites-vous, tu fais si beau. 9, 10, 11, 12, midi!

Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, je me propose d'étudier ce soir, avec vous, un discours célèbre. Il s'agit du programme du gouvernement de Front Populaire, allocution radiodiffusée de Léon Blum, qui date du 5 juin 1936, allocution prononcée à 12h30. Le gouvernement de Front Populaire est constitué. Appelé hier à 6h du soir par Monsieur le Président de la République, je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. Le gouvernement se présentera dès demain devant les chambres. Dès aujourd'hui, il veut prendre contact avec le pays. Son programme est le programme de Front Populaire. Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat et qu'il demandera aux deux chambres de voter avant leur séparation, figure la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Il est donc résolu à agir avec décision et rapidité pour les travailleurs de la terre comme pour les travailleurs des usines. Il fera tout son devoir. Il ne manquera à aucun des engagements qu'il a pris. Mais sa force réside avant tout dans la confiance qu'a mise en lui le peuple de France, et il en réclame aujourd'hui le témoignage aux millions d'électeurs qui l'ont porté au pouvoir. L'action du gouvernement, pour être efficace, doit s'exercer dans la sécurité publique. Elle serait paralysée par toute atteinte à l'ordre, par toute interruption dans les services vitaux de la nation. Toute panique, toute confusion servirait les desseins obscurs des adversaires du Front Populaire, dont certains guettent déjà leur revanche. Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi, de poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline. Il demande au patronat d'examiner ses revendications dans un large esprit d'équité. Il déplorerait qu'une tactique patronale d'intransigeance parût coïncider avec son arrivée au pouvoir. Il demande enfin au pays tout entier de conserver son sang-froid, de se défendre contre les exagérations crédules et les rumeurs perfides, d'envisager avec pleine maîtrise de lui-même une situation déjà dramatisée par les observateurs malveillants de la France, mais que les efforts d'une volonté commune doivent suffire à résoudre. La victoire des 26 avril et 3 mai reçoit aujourd'hui sa pleine consécration. Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. J'adjure, comme chef du gouvernement, de s'y engager avec cette force tranquille qui est la garantie de victoires nouvelles. Ce texte est extrait de l'œuvre de Léon Blum, 1934-37, paru chez Albin Michel à Paris en 1964. Tout texte demande à être situé dans le développement chronologique. Ici, nous avons même l'heure. Il nécessite la connaissance des événements qui précèdent et qui suivent. Ici, le texte prépare la réunion de l'hôtel Matignon entre patrons et syndicalistes qu'il ne s'agit pas de traiter. Il annonce les mesures du gouvernement qu'il ne faut pas développer. Il faut saisir ce que le texte aborde de façon implicite, les grèves. Une allocution est un discours relativement bref. Il faut la différencier de la déclaration que Blum présente l'après-midi devant la Chambre des députés, plus longue et plus complète. Une allocution doit frapper les destinataires par sa brièveté. La radiodiffusion transmet le discours. La radio se développe. La France n'occupe que le 20e rang pour la densité radiophonique. près d'une famille sur trois possède un poste de TSF. Les stations appartiennent à l'État, 15, ou sont privées, 12, le plus souvent propriété de journaux. Les régions les plus pauvres sont les moins bien dotées. Les ministres ont pris l'habitude de s'exprimer à la radio, par exemple Tardieu en 1932 ou Doumergue en 1934. La campagne électorale de 1936 utilise la radio. L'écoute au moment du déjeuner est peu répandue. Ce choix peut relever d'une hâte à transmettre un message important. En s'adressant au pays avant les députés, Blum veut signifier une dette envers ses électeurs et toucher directement les acteurs du mouvement gréviste, les ouvriers et les patrons. Dans quel contexte est prononcée cette allocution? Il faut situer les grands événements de la période et éviter d'aborder immédiatement le contenu du texte. Or, le discours de Blum est très explicite de ce point de vue. Nous devons comprendre le processus de formation d'un gouvernement sous la Troisième République. La France traverse une crise économique et sociale doublée d'une crise politique générale. L'instabilité ministérielle règne et, depuis février 1934, 5 cabinets se sont succédés. Les élections législatives se déroulent les 26 avril et 3 mai. Au scrutin d'arrondissement uninominal à 2 tours. Pour répondre à la crise, les partis de gauche ont passé un accord de désistement au second tour. La Chambre des députés se compose maintenant d'une majorité nette de gauche, dite de Front populaire, comprenant un groupe socialiste, section française de l'Internationale ouvrière, donc SFIO, de 146 députés. Le dirigeant du parti le plus nombreux est chargé de former le nouveau gouvernement. Mais ne prend ses fonctions que lors de la première réunion de la Chambre, convoquée un mois après l'élection. Le gouvernement présidé par le radical socialiste Albert Sarraut reste donc en place jusqu'au 5 juin. Le 11 mai, des grèves commencent au Havre, à Toulouse, dans des usines d'aviation, puis dans des usines métallurgiques de la banlieue parisienne. La résistance patronale, laissant supposer des lock-outs, amène les grévistes à innover en occupant les usines. Depuis début juin, une extension du mouvement se produit en région parisienne, dans le bâtiment, dans la chimie, dans le textile et en province. Le mouvement devient général. Si la victoire électorale est explicite, le mouvement gréviste n'est mentionné qu'implicitement. Tout le monde sait que les ouvriers sont en grève, il n'y a pas besoin d'en parler. Né en 1872, Blum, ancien élève de l'École normale supérieure, devenu conseiller d'État, vient d'être réélu député socialiste SFIO de l'Aude, qu'il représente depuis 1928. Il dirige le quotidien du Parti socialiste SFIO, Le Populaire. Sans occuper une responsabilité dirigeante dans le parti, il est considéré comme le principal inspirateur de sa politique, qu'il a contribué à enrichir. Dans ce texte, 5 partis de longueur inégale se détachent. Premièrement, la mise en place du gouvernement. Deuxièmement, les premières mesures. Troisièmement, les raisons particulières de l'action gouvernementale. Quatrièmement, l'appel à la solution du conflit social. Et enfin, cinquièmement, les envoie au nom des grands principes. L'explication du texte abordera 5 points. La question du gouvernement et de sa constitution, le programme, les premières mesures envisagées, les solutions proposées pour mettre fin au gouvernement gréviste, et enfin, ce que le texte nous apprend sur le contexte. Commençons donc par la question du gouvernement et de sa constitution. Le président de la République, selon l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, respecte les orientations des parlementaires en matière de gouvernement depuis 1879. L'habitude a été prise, au lendemain des élections, de confier la direction du gouvernement au chef de la majorité parlementaire. Le président Albert Lebrun, né en 1871, ingénieur et sénateur de Meurthe-et-Moselle, est devenu président de la République en mai 1932. Après le deuxième tour des élections législatives, le Populaire, le 5 mai, titre « Le Parti socialiste est prêt à former le gouvernement de Front populaire ». La majorité de Front populaire comprend deux autres grands partis. Le Parti radical socialiste, 115 députés, et le Parti communiste, 72 députés. S'y ajoutent 45 députés qui se rangent sous la bannière de la nouvelle majorité. Dès le 6 mai, le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, annonce dans une conférence de presse qu'il revient au Parti socialiste de prendre la direction des affaires publiques. Je citais. Il l'assure de, je cite à nouveau, « notre soutien le plus complet ». Fin de citation. Le Conseil national du Parti socialiste et ses FIO, le 10 mai, décide d'offrir à ses alliés de participer au gouvernement. Le 14 mai, le Parti communiste refuse. Le 13 mai, le Parti radical socialiste accepte. En outre, Blum propose à la Confédération générale du travail de participer au gouvernement. Cette dernière accepte seulement de collaborer avec le gouvernement. Le 30 mai, le Congrès national du Parti socialiste, SFIO, approuve les orientations du futur gouvernement. Le jeudi 4 juin 1936, le gouvernement Sarraut démissionne. Le président de la République appelle Blum, qui lui transmet immédiatement la composition de son gouvernement. Ce dernier comprend 21 ministres et 14 secrétaires d'État, dont 3 femmes, innovation en raison de la non-participation des femmes aux élections. Les 3 composantes sont représentées parmi les 3 ministres d'État. Camille Chautemps, radical socialiste, Paul Faure, socialiste SFIO, Maurice Violette, républicain socialiste. Les radicaux occupent la défense nationale avec Édouard Daladier, les affaires étrangères avec Yvon Delbos, l'éducation nationale enfin avec Jean Zay. Les socialistes SFIO occupent les ministères économiques et sociaux. Vincent Auriol aux finances, l'intérieur avec Roger Salengros, les colonies avec Marius Moutet. Des innovations apparaissent, notamment Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs. Passons, dans un deuxième temps, au programme du gouvernement de Front populaire. Il n'y a pas réellement de programme de Front populaire, mais un appel du Comité national du Rassemblement populaire entre les deux tours des élections législatives à se prononcer pour réaliser le programme élaboré par le Rassemblement populaire. Je citais. Le Rassemblement populaire, cartel d'organisation, publie le programme que celle-ci propose le 10 janvier 1936. Notons qu'il s'agit ici d'une concession faite par le Parti communiste qui proposait l'élaboration d'un véritable programme commun aux formations politiques. Pour le premier tour des élections, chaque parti présente son propre programme. Quelles sont les premières mesures envisagées ? Blum extrait les mesures urgentes. D'abord, la semaine de 40 heures. Le programme du Rassemblement populaire n'est pas aussi explicite. Il ne parle que de réduction de la semaine de travail sans réduction du salaire hebdomadaire. Je citais. Depuis la loi du 23 avril 1919, la journée de travail est de 8 heures. Mais cette loi ne reçoit pas d'application et de multiples exceptions interviennent. La question de la durée du travail a été une revendication constante des syndicats. En fait, dans les années 30, la semaine de travail est de 48 heures. Seule la Confédération Générale du Travail, la CGT, dans son programme, prévoit la semaine de 40 heures. Quand Blum parle des réformes réclamées par le monde ouvrier, il fait allusion aux revendications des grévistes relayées par les syndicats. Deuxième mesure, les contrats collectifs. Depuis la loi du 25 mars 1919, les conventions collectives sont obligatoires, mais elles n'engagent que les seuls signataires sans possibilité d'extension. Il y a peu de conventions, textes paritaires précisant les conditions de travail et de rémunération. Enfin, les congés payés. Cette revendication apparaît dans le programme de la CGT. Quelles sont les solutions proposées pour mettre fin au mouvement gréviste? Nous verrons qu'elles sont de plusieurs types. Le vote par les chambres. Selon la Constitution, la Chambre des députés et le Sénat doivent voter les projets de loi. Deuxième solution, Blum invite les forces en présence à respecter la légalité. Trois, il invoque le rôle de l'État dans l'organisation économique et sociale. Que nous apprend ce texte sur le contexte? Tout d'abord les grèves. Blum met en garde les travailleurs des services vitaux, chemin de fer, transport notamment. La question du ravitaillement de Paris le préoccupe. Les réponses patronales relèvent souvent de l'intransigeance, pour utiliser le terme de Blum, d'où les occupations d'usines pour devancer les lock-outs toujours possibles. Deuxième élément, les adversaires du Front populaire parlent de conjuration, de complot soviétique ou allemand. Il importe de conclure ce commentaire et de voir l'intérêt et la portée de cette allocution. Que nous annonce ce texte? Tout d'abord, la séance du 6 juin à la Chambre des députés. Ensuite, les dépôts des projets de loi, le 9 juin, examinés par une commission spéciale de 33 membres, présidée par Albert Sérol. Premier projet de loi, les congés payés. Loi du 11 juin, vote à la quasi-unanimité, 563 voix contre une. Deuxième projet de loi, les conventions collectives, loi du 11 juin, vote à la quasi-unanimité, 571 voix contre 5. Troisième projet de loi, la loi des 40 heures, rapportée par André Philippe, pose problème. En commission, les communistes demandent son extension immédiate à l'agriculture. Dans le texte, Léon Blum parle des travailleurs de la terre. Un radical se montre réticent. Paul Reynaud craint pour les industries d'exportation. La discussion reprend à la Chambre. Pour André Philippe, les 40 heures accroîtront les possibilités de loisirs et permettront la réduction du chômage. Reynaud estime que les prix de revient seront accrus. Le texte est finalement voté dans la nuit du 11 au 12 juin. 408 voix contre 160. Ces lois sont présentées au Sénat et votées après discussion. Le 17 juin, les congés, 295 voix contre 2, les conventions, 279 voix contre 5, et le 18 juin, les 40 heures, 182 voix contre 64. Voyons maintenant ce que le texte occulte. Avant l'allocution, le matin du 5, Lambert Ribot, du comité des forges, par l'intermédiaire de Grunebaum-Ballin, téléphone à Blum pour lui indiquer que le patronat ne peut plus contrôler la situation, d'où les appels au calme, à la dignité et à la discipline de Blum. Blum reçoit une délégation patronale le soir du 5, avec Lambert Ribot et Duchemin, responsable de la Confédération Générale de la Production Française, qui lui demande d'intervenir. La CGT, saisie par Salingro, accepte. Le 7 juin, commence à l'hôtel Matignon la rencontre, sous la présidence de Blum, entre dirigeants patronaux et dirigeants syndicalistes. les divers points, qui sont au nombre de 5, sont examinés. Premièrement, Blum annonce les futures lois sur les 40 heures et les congés payés. Deuxièmement, le contenu du futur texte de loi sur les conventions collectives avec délégués du personnel élus à la demande des patrons et liberté syndicale à la demande de la CGT. Troisièmement, les salaires seront augmentés de 7 à 15%. Quatrièmement, pas de sanctions pour fait de grève. Enfin, cinquièmement, la CGT s'engage à faire reprendre le travail quand les clauses des accords Matignon seront acceptées. Je vous propose d'écouter maintenant un long extrait de cette allocution. En entendant la chétive voix de Léon Blum, je n'ai malheureusement retrouvé qu'un extrait de ce texte, car si j'avais possédé le texte complet, bien entendu, c'est ce texte-là qui serait passé en introduction et je n'aurais pas pris la peine de le lire moi-même. Des cerises. C'était un grand bal bleu et blanc. Dans la ville, en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants, prenaient de nous leur vol oblique les chansons de la République. Aragon. Et nous sommes sûrs de la victoire, car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline. Demandez l'humanité contre la guerre et le fascisme. Nos succès électoraux au mois de mai et de juin dernier ont été importants dans toute la France. Les journaux réactionnaires au lendemain de nos récentes élections disaient: Paris est désormais investi par la ceinture rouge. C'est vrai, camarades, c'est l'investissement du Paris de la bourgeoisie par notre prolétariat de la banlieue. C'était le communiste Marcel Cachin commentant les victoires communistes au municipal de 1935, communiste allié des socialistes désormais. C'est un changement, vous l'avez dit, de stratégie complet du parti communiste, lui-même dicté pas par Staline. Il faut rappeler aussi c'est très facile à dater. Il y a deux dates. Il y a le comité national du parti communiste français à Ivry en juin 34 qui acte la nouvelle stratégie, donc avec le feu vert du Kremlin. Et au niveau international, c'est le 7e congrès de l'International communiste qui se tient dans l'été de 1935, qui acte aussi ce changement. Alors, pour vous faire toucher du doigt ce que c'est, un collègue a fait une analyse lexicographique de l'humanité, en étudiant tous les mots. Une chose curieuse, c'est qu'avant l'été 35, on emploie beaucoup « monsieur ». dans les leaders de l'UMP. Et puis après 1937, on l'emploie plus. Pourquoi ? Avant 1935, c'est Monsieur Blum. Après 1935, c'est le camarade Blum. Ouais. Ça, le leader du voilà, Parti Socialiste. Ce changement dans le vocabulaire, et c'est l'union du peuple de France contre les deux cieux en famille. Donc c'est plus du tout le bloc dur des communistes contre tout le reste qui est fasciste, c'est l'union maximale du peuple de France contre les deux cieux en famille. Et ça va conduire d'ailleurs les communistes à tendre la main aux catholiques à la fin de 1935, ce qui va susciter des mouvements divers chez les socialistes. Alors, on a parlé des socialistes, on a parlé des communistes, on n'a pas parlé du troisième élément. Et ce parti est très puissant à l'époque en France, hein, même si aujourd'hui il est très réduit. Ce sont les radicaux. Or, les radicaux vont faire partie du Front Populaire. Cela dit, au sein du Parti Radical, qui est très puissant, qui est un des premiers partis de France, il y a quand même des tensions. Est-ce qu'on va s'allier, oui ou non, avec les socialistes? Ça va, on l'a déjà fait, mais avec les communistes. Et là, beaucoup sont contre au sein du Parti Radical, Antoine Pro. Ah ben, le parti Radical est très divisé, mais c'est une division... fondamentale, métaphysique, parce que le Parti Radical est tiraillé entre sa sensibilité de gauche, sa tradition, ses ancrages chez les instituteurs, chez les petits fonctionnaires, et puis ses conceptions politiques qui sont très traditionnelles, et notamment en matière économique. Ce sont vraiment des conservateurs sur le plan de la politique économique et monétaire. Donc ils sont très partagés, et ils font et ils défont les majorités. En 1924, ils sont au pouvoir, et en 1926, ils entrent dans le gouvernement Poincaré à droite. En 1932, même scénario. En 1932, le 6 février se fait contre un chef de gouvernement radical, Daladier. Et qu'est-ce qui se passe? On rappelle Doumergue, et vous avez des ministres radicaux dans le gouvernement Doumergue, qui est un gouvernement de droite, un gouvernement d'union nationale. Donc ils sont très partagés, c'est un peu la guerre des deux Édouards, Édouard Daladier incarnant le ralliement au Front Populaire, et Édouard Herriot plutôt les résistants. Alors finalement, c'est ceux qui vont rallier le Front Populaire qui vont l'emporter. Voilà donc trois partis, c'est un peu la carpe et le lapin, si je puis dire, qui vont s'associer, qui vont signer un accord de désistement réciproque pour les législatives qui vont arriver en 1936, qui vont même avoir un programme commun qui, forcément, sera relativement modéré par rapport à ce que proposent les communistes. Sans doute, il ne faut pas fâcher les radicaux. Non, pas du tout. Il est modéré par rapport à ce que proposent les socialistes. Les socialistes voudraient des réformes de structure, etc. Les radicaux n'en veulent pas. Mais les communistes ne font pas pencher la balance du côté des socialistes. Les communistes sont partis pour le rassemblement le plus large. Donc, on va éviter les questions qui fâchent pour s'en tenir à l'essentiel. Dans ce programme du Front Populaire, par exemple, la laïcité disparaît. Il n'est plus question d'appliquer les lois laïques à l'Alsace-Lorraine, ce qui, pour les radicaux et une partie des socialistes, est quelque chose de tout à fait nouveau. Mais si on veut rassembler la France contre le fascisme, il ne faut pas agiter ce type de problème. Et donc, la seule vraie réforme de structure qui va se faire, c'est la Banque de France. Il va y avoir une nationalisation des chemins de fer en 1937, mais c'est par négociation avec les compagnies et pour régler leurs déficits. Alors on n'en est pas là, il y a un programme commun, donc il y a une campagne électorale assez violente, assez tendue, hein, les enjeux sont considérables, violente d'ailleurs au point que Léon Blum va se faire attaquer physiquement boulevard Saint-Germain le 13 février 1936, et même se faire casser la figure par les canaux du roi. Il faut dire qu'il proposait la suppression des ligues. Hein, c'est après ça que la suppression des ligues va devenir un thème à l'ordre du jour. Vous voyez d'ailleurs que la loi adoptée à cette occasion n'a pas perdu son actualité puisqu'il est question de l'appliquer aujourd'hui. Oui, et Léon Blum a dû son salut, si je puis dire, à des ouvriers qui étaient en train de réhabiliter une maison et qui sont descendus de leur échafaudage pour le dégager des camions. Il faut dire qu'il est tombé tout à fait par hasard sur une manifestation pour les obsèques d'un écrivain, d'un historien royaliste qui s'appelait Bainville, et il se trompe en plein milieu et brusquement les gens disent « voilà Blum », etc. Et ça manque quand même de la tension. Alors, elle est aggravée, Antoine Pro, il faut le noter aussi, par un contexte international qui est important. Évidemment, à droite, on brandit l'épouvantail communiste, surtout parce que, en février 1936, toujours, un Front Populaire espagnol gagne les élections. Ça c'est un peu le thème de la droite, qui sera le thème de la campagne. Attention au péril communiste. Oui, c'est un thème largement exploité par la droite. Je suis pas sûr que ça ait joué dans l'opinion un très grand rôle. Ben non, puisque le Front Populaire a gagné. Oui, non, le climat... Alors, je crois pas que le climat soit... du point de vue économique, c'est la crise. C'est aggravé par la politique de Laval en 1935, qui a amputé de 10% les traitements des fonctionnaires. Vous avez une politique déflationniste assez dure, assez sévère, et au demeurant inefficace. Enfin, vous n'avez pas, on peut pas dire que le Front populaire soit une révolte de la misère. Il y a moins d'un million de chômeurs. Au plus grave de la crise, le nombre de chômeurs totaux, c'est de l'ordre de 850 000. Il y a un gros chômage partiel. Les salaires n'ont pas reculé. Le salaire horaire est resté le même. Le salaire mensuel a diminué du fait du chômage partiel. Mais les prix ont diminué de 25%. Mais pour ce qui concerne la campagne, quand même, elle est assez tendue. Il y a aussi. Oui, mais c'est politique. Oui, c'est politique essentiellement. C'est essentiellement politique. Et le vrai problème, c'est la défense de la République à gauche, la défense des libertés. Contre les menaces totalitaires, et à droite, c'est le refus du bolchevisme, ça c'est clair. Une grande tension en tout cas jusqu'au 3 mai 1936, quand Léon Blum commente la victoire du Front populaire au deuxième tour des élections législatives. Le camarade Jacques Duclos est élu à Paris. C'est le 378e élu du Front populaire. Une fois remporté, il faut en consolider les effets. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a derrière nous des masses populaires dont nous sommes les mandataires et les interprètes. Nous avons cependant besoin du temps, car c'est une œuvre de longue haleine. Il faudra durer. Pour durer longtemps, il faudra donner très vite le sentiment de la réussite. Car dès que les masses populaires de ce pays auront eu le sentiment de la réussite et du changement, je sais qu'elles nous consentiront un large crédit de temps. Frontières, amis chandons, la victoire du Front populaire, c'est dans la même maison. L'espoir de vaincre la misère. Fini les confiseurs, car dans un geste magnifique, nos élus partent à la veuve pour vaincre la vraie république. Vous connaissez cette chanson qui date de mai 36, Antoine Pro? Oui, qui est sur le thème d'une chanson célèbre de 1907, Salut à vous, braves soldats du 17e, qui rappelle les mutineries de la révolte viticole de 1907 dans le Nord. Et dont on change les paroles, évidemment. Dans une atmosphère, je suppose, de liesse. Oui, il y a une atmosphère gauche, de liesse. Sûrement de dépit à droite. De dépit à droite et au début d'incrédulité, parce que le déplacement de voix a été très faible, c'est 400 000 voix de plus pour la gauche. Mais à l'intérieur de la gauche, les lignes ont changé complètement. Par rapport à la droite, la gauche s'est un peu renforcée, mais à l'intérieur de la gauche, l'extrême gauche est beaucoup renforcée. On passe de 12 à 72 députés communistes. Et les radicaux, qui s'attendaient à être le plus gros parti de gauche, de la nouvelle majorité, viennent derrière les socialistes. C'est pourquoi vous avez un discours de Léon Blum qui revendique la direction du gouvernement conformément aux usages républicains. Et c'est la première fois qu'on a un président du Conseil socialiste. Oui. Ça, c'est, alors, on l'a pas tout de suite, justement, Antoine Pro. Il se passe quelque chose entre-temps. Pendant un mois, il faudra un mois pour que ce gouvernement de Léon Blum soit formé. Nous le verrons, nous en parlerons demain. Mais alors, pendant ce mois, pendant cette espèce de vacances, alors que on sait que la gauche a gagné et est majoritaire à l'Assemblée nationale, alors que on sait qu'il y aura un gouvernement de gauche, il y a des grèves qui se déclenchent. Ça, c'était un grand mystère. Comment se fait-il que des ouvriers se mettent en grève avec un gouvernement qui leur promet dans le programme énormément d'avancées sociales? Ça peut paraître étrange, ces grèves. Généralement, on fait grève contre le gouvernement en place. Là, c'est pas contre Blum, évidemment, c'est pas contre le futur gouvernement de Front populaire. Non, les premières grèves éclatent dans des usines où il y a des conflits qui existent déjà, qui sont même antérieurs aux élections. Et ce qui renforce les grèves, c'est que le gouvernement, pour les grévistes, le gouvernement, il est avec nous. Il est de notre côté, donc on peut y aller. On ne risque plus la répression, les gendarmes, la troupe. Le gouvernement n'enverra pas la troupe contre nous. Et alors, il y a un immense espoir. C'est ça qu'il faut voir. Et ces grèves vont durer un mois, nous... Juillet 36, les premières vacances pour toutes ces gens, quelle délivrance. Bien arriver sur ce sable blanc, les pieds dans l'eau et l'esprit guettant, les pieds dans l'eau et l'esprit guettant. L'esprit guettant sur ces paysages de ces rentiers bien indifférents, à toutes ces familles qui gâchent leur image, à toutes ces familles qui ont peu d'argent, à toutes ces familles qui ont peu d'argent. Juillet 36, camping près de la mer, tout près de nous ces riches et leur roi auraient pu laisser un goût bien amer. N'en était rien, car c'était leur joie. N'en était rien, car c'était leur joie. C'était leur joie à toutes ces familles qui n'aspiraient qu'à d'autres horizons. Sortis d'usine et des sacs à charbon, le petit Julien parle de Camille. Le petit Julien parle de Camille. Fils d'un notable, un riche banquier, Camille II s'est vu réprimé. Te rends-tu compte dans quel guépier tu as parlé à se défroquer? Tu as parlé à se défroquer. On ne se mélange pas avec ces gens, je ne veux plus te voir lui parler. Son père travaille dans le charbon, d'ailleurs leur vie, ils me font pitié. D'ailleurs leur vie, ils me font pitié. Juillet 36, les premières vacances pour toutes ces gens, quelle délivrance. Bien arriver sur ce sable blanc, les pieds dans l'eau et l'esprit guettant, les pieds dans l'eau et l'esprit guettant. Camille II a désobéi, il est allé voir son ami. Le petit Julien et toute sa famille lui firent une fête à ce brave Camille. Lui firent une fête à ce brave Camille. Et la morale de cette histoire est qu'il ne faudrait jamais trop croire tous ces on-dit venus de ces gens, de ces on-dit qui poussent de l'argent, de ces on-dit qui poussent de l'argent. Juillet 36, les premières vacances pour toutes ces gens, quelle délivrance. Bien arrivé sur ce sable blanc, les pieds dans l'eau et l'esprit guettant, les pieds dans l'eau et l'esprit guettant. Le saviez-vous? Jean Zay fut ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de juin 36 à septembre 39. Jean Zay, lui, est passionné de cinéma. Il est jeune député à ce moment-là. Révolté par la mainmise des gouvernements fascistes allemands et italiens sur la Mostra de Venise, Mussolini assiste à une prise de vue cinématographique. Jean Zay veut promouvoir un cinéma français libre. Encouragé par les Américains et les Britanniques, il s'engage à créer un festival de cinéma français avec un jury composé de grands écrivains et de professionnels. À Cannes, du 1er au 20 septembre 1939. Encourager l'art cinématographique afin de contribuer à provoquer entre tous les pays producteurs un véritable esprit de collaboration. Dans la sélection française, des films de Christian Jacques, Jacques Feder, Julien Duvivier et des cinéastes étrangers comme Victor Fleming et Cécile Bédemil. Pour Cannes, c'était inscrit déjà plus de nations et plus d'œuvres que pour Venise. Dès le mois d'août, la MGM affrète un paquebot pour amener les stars d'Hollywood, Tyrone Power, Annabella, Norma Scherer et George Raft. Donc il est vraiment, je dirais, l'auteur du Festival de Cannes. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate et le festival est annulé. Jean Zay s'engage, il sera abattu par la milice en 1944. La première édition du Festival de Cannes aura lieu en 1946. Jean Zay, ministre visionnaire, entre au Panthéon le 27 mai 2015. Jean Zay, c'est la République. L'école de la République. Celle pour laquelle, comme enfin, un président rend hommage à Jean Zay. Le 27 mai prochain, ses cendres seront transférées au Panthéon. Né à Orléans en 1904, élu député à 27 ans, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire à peine 32 ans, l'homme est aujourd'hui connu pour avoir prolongé l'obligation scolaire de 13 à 14 ans. C'est avant tout un homme de terrain qui aime expérimenter. Il ouvre l'école, il dit voilà, il faut aller dehors, il faut aller voir les champs, il faut aller voir les usines, il faut aller voir des musées, etc. Et c'est ce qu'il appelle au départ les loisirs dirigés. Il veut ouvrir aussi, du point de vue culturel, les musées, les théâtres, tous les lieux culturels. Le maître mot finalement, c'est la démocratisation. Démocratisation de l'école, c'est-à-dire que Jules Ferry avait ouvert l'école à tous les enfants. Lui, dans la continuité de cette action, il veut donner à tous les enfants les mêmes chances de réussir. On lui doit d'ailleurs l'ENA, le CNRS, les bibliobus, mais aussi le Palais de la Découverte. Léon Blum vantera son esprit avant-gardiste en matière culturelle. C'est le premier qui aide vraiment les jeunes troupes de théâtre, ce qu'on appelle les jeunes compagnies. Ce n'était pas du tout la pratique gouvernementale jusque-là. C'est lui qui passe systématiquement des commandes aux compositeurs de musique. Ça ne se faisait pas systématiquement jusque-là. C'est lui qui réforme la Comédie française en ouvrant ce théâtre qui s'endormait un peu à l'avant-garde théâtrale de l'époque. En 1938, la future Mostra de Venise récompense un documentaire à la gloire de l'Allemagne nazie et un autre film dont l'un des producteurs n'est autre que le fils de Mussolini. C'est donc dans une perspective antifasciste que Jean Zay et son équipe imagineront le Festival de Cannes pour s'opposer à celui de Venise, un geste politique et artistique. Et donc, ils vont créer, mais en quelques mois, c'est extraordinaire de voir comment ils mettent sur pied. D'une part, il faut choisir la ville. Alors, il y avait trois villes candidates, il y avait Biarritz, Vichy, figurez-vous, et Cannes. C'est Cannes qui est choisi, pour les mêmes raisons que maintenant. Et on construit toute une programmation, on invite les acteurs, les metteurs en scène, qui sont déjà là. Le festival doit s'ouvrir le 1er septembre 1939, et il n'aura pas lieu. La guerre éclate alors que tout était prêt. Louis Lumière comme président d'honneur et le magicien d'Oz en film d'ouverture. Oh oui. Je perds encore un peu de mes entrailles. Oh, ça vous fait souffrir? Oh non, je retire la paille et puis j'armais, ça passe le temps. Mon Dieu, c'est doux la liberté. Oh, oh, oh. L'extrême droite de l'époque, qui est quand même très puissante, pas seulement l'Action française, mais aussi Je suis partout, etc., est sans pitié pour lui, qu'il s'agisse de rénover les musées, qu'il s'agisse d'ouvrir les bibliothèques, aux yeux de l'extrême droite, il a tout faux. Et puis, évidemment, c'est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de résistant avant que le mot n'existât, puisque en 38 et en 39, il est pour une position de fermeté à l'égard d'Hitler, et en 1940, pour la poursuite du combat outre-mer. Avec Pierre Mendès-France et 25 parlementaires, il embarquera vers le Maroc pour continuer la lutte. Emprisonné pour désertion, il sera, comme Dreyfus, condamné à la déportation et à la dégradation militaire. Là, il est terrassé parce qu'il comprend de façon lumineuse que c'est un procès politique, qu'il n'a rien à attendre de cette justice-là. Donc, et d'ailleurs, il écrit dans une lettre, il écrit d'abord « La justice me rendra raison », il barre justice et émet l'histoire. En prison, comme s'il avait le pressentiment qu'il pouvait ne pas survivre à la guerre, il s'évade par l'écriture. C'est par exemple « Souvenirs et solitude ». Un texte quand même extrêmement fort, unique dans son genre, et qui est plein de pages sur la prison, pas simplement sur son action en tant que ministre. C'est de la dimension de Dostoïevski. C'est très émouvant. D'ailleurs, un très beau spectacle de théâtre a été extrait de la partie prison de ses souvenirs et solitudes. Instruction concernant le régime spécial applicable aux déportés simples Jean Zay. Je vous fais la lecture.

Je vous propose quelques courts extraits d'un livre de Svetlana Alexievitch, dont le titre est La Supplication. Il s'agit de Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Cet ouvrage a reçu le prix Nobel de littérature en 2015. Alors, le 26 avril 1986, à 1h23, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la quatrième tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. La plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Pour la petite Biélorussie de 10 millions d'habitants, il s'agissait d'un désastre à l'échelle nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la terre biélorusse, les nazis avaient détruit 619 villages et exterminé leur population. À la suite de Tchernobyl, le pays a perdu 485 70 d'entre eux sont enterrés pour toujours. La guerre tua un Biélorusse sur quatre. Aujourd'hui, un sur cinq vit dans une région contaminée. Cela concerne 2,1 millions de personnes, dont 700 000 enfants. Les radiations constituent la principale source de déficit démographique. Dans les régions de Gomel et de Moguilev, qui ont le plus souffert de la tragédie, la mortalité est supérieure de 20% à la natalité. Au moment de la catastrophe, parmi les 50 millions de radionucléides propulsés dans l'atmosphère, 70% retombèrent sur le sol de la Biélorussie. En ce qui concerne le césium-137, 23% de son territoire sont contaminés par une quantité de nucléides radioactifs égale ou supérieure à 37 milliards de becquerels par kilomètre carré. À titre de comparaison, 4,8% du territoire ukrainien et 0,5% de celui de Russie sont touchés. La superficie des terres agricoles où la contamination égale ou dépasse 37,10 puissance 9 becquerels par kilomètre carré est supérieure à 1,8 million d'hectares. Quant aux terres irradiées par une quantité de strontium-90 égale ou supérieure à 11 fois 10 puissance 9, c'est-à-dire 10 suivi de 9,0 becquerels par kilomètre carré, elle couvre un demi-million d'hectares. La superficie totalement interdite à l'agriculture représente 264 000 hectares. La Biélorussie est un pays sylvestre, mais 26% des forêts et plus de la moitié des prairies situées dans les bassins inondables des cours d'eau Pripyat, Dniepr et Soy se trouvent dans la zone de contamination radioactive. À la suite de l'influence permanente de petites doses d'irradiation, le nombre de personnes atteintes en Biélorussie de cancer, d'arriération mentale, de maladies nerveuses et psychiques, ainsi que de mutations génétiques s'accroît chaque année. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal à t'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui sais-tu pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Alors, encore un petit extrait. Sur les observations, un haut niveau de radiation fut enregistré le 29 avril 1986 en Pologne, en Allemagne, en Autriche et en Roumanie, le 30 avril en Suisse et en Italie du Nord, les 1er et 2 mai en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et dans le nord de la Grèce, le 3 mai en Israël, au Koweït, en Turquie. Les substances gazeuses et volatiles projetées à grande altitude connurent une diffusion globale. Le 2 mai, elles furent enregistrées au Japon, le 4 en Chine, le 5 en Inde, les 5 et 6 mai aux États-Unis et au Canada. En moins d'une semaine, Tchernobyl devint un problème pour le monde entier. les guerres coloniales. C'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine, allongés sur les rails, nous arrêtions les trains. Pour vous et vos pareils, nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Nous disions que la guerre était perdue d'avance, et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Ah, monsieur d'Ormesson, c'est déclaré qu'un air de liberté flottait sur Saïgon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine. Après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vain perpétré au Vietnam. Quand le canon se tait, vous continuez. Mais regardez-vous donc un matin dans la glace, patron du Figaro, songez à Beaumarchais. Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valet. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges,